Chapitre 10e. Un fil providentiel semblait guider Edmond dans tous les événements de sa vie. Il retrouve sa sœur comme par miracle, puis il retrouve la femme de son cœur, celle pour qui il avait tant souffert, celle qui lui avait fait tout sentir et tout comprendre. Le premier besoin d'Edmond avait été de chérir et d'aimer. Mais vous vous rappelez l'erreur cruelle qui l'avait séparée de Clotilde. Nous devons l'appeler Clotilde aujourd'hui, puisque cette fatale erreur est découverte. On se figure la joie, le saint bonheur d'Edmond en revoyant son ami. Ah, ce fut une immense joie, un de ces bonheurs que Dieu accorde à l'homme pour lui donner les avant-goûts du ciel. C'était une émotion si profonde et si vive à la fois qu'il voulait écarter d'elle tout ce qui pouvait la détruire ou l'altérer. Dans une semblable émotion, les autres puissances de l'âme se retirent en arrière comme par respect. Edmond ne pouvait pas prévoir que Dieu voulait l'éprouver encore. Mais Clotilde, affaiblie par tant de malheurs, ne put supporter cette transition violente. Ses jours furent en péril pendant 2 mois. Et quand elle touchait au moment de la convalescence, une inflammation se déclara au cerveau et donna des craintes plus cruelles encore que toutes celles qui les avaient précédées. Clotilde, en revenant à la vie, était folle. Folle, connaissez-vous quelque chose de plus affreux? Sentir et ne plus comprendre, avoir tous ses souvenirs pour la douleur, et pas une espérance pour le bonheur, n'être ni morte ni vivante, être et n'être pas. Clotilde passait ses journées entières sans dire une parole, sans regarder un seul objet. Ses yeux étaient fixes, ou erraient sans pensée et sans intelligence. La nuit, elle se levait et disait « Edmond, entendez-vous? Minuit vient de sonner. Conduisez-moi à l'hôtel. » On fit venir à Kamieniec-Podolski les premiers médecins de la Pologne. Mais que peut la médecine contre les maladies de l'âme? Que peut la médecine sur notre inexplicable organisation? Que peut cette science, qui est un doute et une incertitude perpétuelle? Enfin, après avoir consulté les plus célèbres médecins, comme je l'ai dit, on consulta un jeune docteur qui avait un nom à se faire, une réputation à acquérir. Jusqu'alors, il n'avait été connu que des pauvres, de ceux qui vivent et qui meurent ignorés. Quand il vit Clotilde, quand il l'eut examinée dans le moment de ses crises, il dit à Edmond « Certes, la maladie est grave, mais je ne la crois pas désespérée. Les moyens violents, comme les douches et les saignées, tueraient la malade. Il faut fatiguer son corps pour calmer l'irritation nerveuse, mais il ne faut pas l'épuiser. Puis il faut agir peu à peu sur le moral. Il faut lui faire comprendre la vérité sans la heurter violemment. Pour que la vérité pénètre dans son âme, dans son intelligence, il faut que ce soit avec précaution, comme un jour doux dans des yeux délicats. Je vais réfléchir aux moyens que nous pouvons tenter, et demain je vous dirai le résultat de mes réflexions. » Edmond attendit le lendemain avec une morne anxiété. C'était un arrêt qu'il fallait entendre. Le docteur revint comme il l'avait promis. « Eh bien, lui dit Edmond, qu'avez-vous résolu ? Il faut que la malade revoie les lieux où elle a reçu ses premières impressions. Il faut qu'elle vous retrouve là où elle vous vit pour la première fois. Si ce moyen réussit, elle est sauvée. » Edmond écrivit à l'instant au baron de Tolly et lui demanda la permission de se transporter à son château avec Clotilde. La lettre d'Edmond était accompagnée d'une lettre du docteur, dans laquelle ce dernier expliquait tous les soins à donner, toutes les précautions qu'il y avait à prendre pour Clotilde. Le baron ne tarda pas à répondre. Il était au courant des événements par le vénérable prêtre du couvent de Saint-Dominique et par la supérieure. Il écrivit à Edmond « Le ciel a réservé bien des malheurs à ma vieillesse. Tout ce que j'aimais m'a été enlevé. Tout ce que j'aime encore est marqué par la fatalité. Vous, mon ami, vous avez bien souffert, et la dernière épreuve est la plus cruelle de toutes. Espérons en Dieu. Je vais revoir mon enfant d'adoption, la fille de mon cœur. Mais comment vais-je la revoir, hélas ? » Après les événements qui vous séparèrent de Clotilde, elle alla chez une de ses amies qui habitait la ville de L. Là, elle ne tarda pas à ressentir les premiers symptômes de la maladie qui s'est développée plus tard. Une nuit, elle quitta le château de son amie sans qu'on pût savoir de quel côté elle avait dirigé ses pas. Pendant plusieurs jours, toutes les recherches furent vaines. Enfin, on parvint à découvrir qu'elle avait été recueillie par le concierge du château de X. Cette femme, qui était guidée par la générosité de son cœur et qui craignait partout les réprimandes de ses maîtres, cacha Clotilde pendant plusieurs jours, mais elle échappait la nuit à sa surveillance et se promenait dans les chambres du château. Cela effraya tellement les habitants que le bruit s'en répandit dans les environs et ce fait, si douloureusement vrai, fut travesti en contes absurdes. L'ami de Clotilde, informé par la voix publique de ce qui se passait, vint la réclamer et c'est à cette époque qu'elle entra au couvent de Saint-Dominique. La douceur des religieuses, les exhortations pieuses du bon prêtre qui dirige le couvent, rendirent en quelque sorte le repos à son cœur et le calme à son esprit. La main de Dieu vous conduisit à l'église le jour où Clotilde devait prononcer ses vœux. Vous savez le reste, mon ami. Je vous le dis encore, espérons en Dieu. Clotilde va retrouver ma demeure telle qu'elle l'avait laissée. La même tapisserie, les mêmes tableaux vont orner sa chambre et son cabinet d'études. Mes vieux serviteurs seront sur son passage pour la recevoir. Comptez sur moi, Edmond. Comptez sur mon affection pour vous et ma tendresse pour elle. Baron de Tolly. J'écris à la supérieure pour qu'elle donne à Clotilde l'autorisation de sortir du couvent. J'ai dit que vous iriez la chercher avec votre sœur.